De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Chapitre 85. Haine du parti contre la Chambre des députés. Quelque chose, dans l'ordre politique comme dans l'ordre religieux, contrarie-t-il le système des intérêts révolutionnaires et conséquemment s'oppose-t-il au renversement de la famille légitime, le parti frémit, se soulève, tonne, éclate. De là sa fureur contre la Chambre des députés. Quelle pitié d'entendre aujourd'hui les constitutionnels nier l'existence des gouvernements représentatifs. Soutenir qu'une Chambre des députés doit se réduire à la passive obéissance. Combattre la liberté de la presse. Préconiser la police. Enfin, changer entièrement de rôle et de langage. Il les traitait d'esprits bornés, d'esclaves, d'ennemis des Lumières, ceux qui professaient les principes qu'ils adoptent aujourd'hui. Sont-ils convertis? Non, c'est toujours le même libéralisme. Mais les doctrines constitutionnelles ont enfin amené la Chambre actuelle des députés. Mais cette Chambre veut à la fois la liberté et la religion, la Constitution et le roi légitime. Furieux contre ce résultat de 25 ans de rébellion, ils ne veulent plus de la Chambre. Alors, il faut déclamer contre le gouvernement représentatif, parce qu'ils sont arrêtés par sa vigilance, contre la liberté de la presse, qui ne serait plus à leur profit, quittes à reprendre les principes libéraux lorsque la dynastie sera changée et qu'on n'aura plus à craindre le rétablissement des autels. Il faut convenir que la Chambre des députés a fait deux choses qui ont dû la faire prendre en horreur aux partisans du système des intérêts révolutionnaires. En bannissant les régicides, en arrêtant la vente des domaines nationaux, elle a arrêté la Révolution. Comment jamais lui pardonner? Aussi, que n'a-t-on point tenté pour la détruire après l'avoir tant calomniée? Élue par les collèges électoraux, choisie parmi les plus grands propriétaires de la France, dans tous les rangs de la société, n'a-t-on pas voulu persuader aux étrangers qu'il n'y avait personne aux collèges électoraux qui l'ont élue et qu'elle n'est composée que d'émigrés sans propriété? Quel bonheur si au lieu de ces députés fanatiques qui n'entendent qu'au nom de Dieu et du roi, on avait pu avoir des révolutionnaires éclairés, souples, qui, rampant sous l'autorité, n'auraient opposé aucune résistance aux volontés des ministres jusqu'au jour où, tout étant arrangé, ils auraient déclaré, au nom du peuple souverain, que le peuple voulait changer son maître. 1000 projets ont été formés pour se débarrasser de la Chambre. Tantôt, on voulait la dissoudre, mais il n'y a pas de loi d'élection. Tantôt, on prétendait en renvoyer un cinquième, mais comment régler les séries? Et d'ailleurs, gagnerait-on quelque chose à cette faible réélection? Enfin, la passion a été poussée si loin qu'on a rêvé l'ajournement indéfini des chambres, la suspension de la charte et la continuation de l'impôt par des ordonnances. Nous avons vu dans le journal officiel de la police l'éloge d'un ministère étranger qui a remis à un autre temps la constitution promise, qui gouverne seul, avec une modération parfaite, paie scrupuleusement les dettes de l'État et se fait adorer du peuple. Entendez-vous, peuple français, peuple grossier, quoi, toujours les plus grandes merveilles, sans ébranler ton cœur, frapperont tes oreilles? Une chambre de bons jacobins qu'on appellerait des modérés ou point de chambre, voilà le système du parti. Dans l'une ou l'autre chance, il y a tout à gagner pour lui. Avec des modérés de cette nature, on peut tout détruire. Avec un ministère à soi, on arrive également à tout. Bientôt, ces libéraux qui poussent à l'arbitraire feraient un crime à la couronne de cet arbitraire qu'ils conseillent. Je frémis en déroulant un plan si bien ordonné et dont le résultat est infaillible, à moins qu'on ne se hâte d'y apporter remède. Qui ne serait inquiet en voyant une armée qui manœuvre si bien, qui mine, attaque, envahit, fait usage de toutes les armes, enrôle les ambitieux et séduit les faibles, qui se donne les honneurs d'une opinion indépendante, en prêchant l'autorité absolue. Faction pourtant sans talent réel, mais douée d'astuces. Faction lâche, poltronne, facile à écraser, que l'on peut faire rentrer en terre d'un seul mot, mais qui, lorsqu'elle aura tout gangrené, tout corrompu, lorsqu'il n'y aura plus de danger pour elle, lèvera subitement la tête, arrachera sa couronne de lys et, prenant le bonnet rouge pour diadème, offrira cette pourpre à l'illégitimité. Mais comment pouvez-vous croire, me dira-t-on, que tels et tels hommes, si connus par leurs sentiments royalistes, par leurs actions même, par leur caractère moral et religieux, parce qu'ils sont dans un système politique contraire au vôtre, entrent dans une conjuration contre les Bourbons? Cette objection est grande pour ceux qui n'y regardent pas de près et qui jugent sur les dehors. La réponse est facile. Celui-ci, donc, a servi le roi toute sa vie. Mais il est ambitieux. Il n'a point de fortune, il a besoin de place. Il a vu la faveur aller à une certaine opinion. Il s'est jeté de ce côté. Celui-là avait été irréprochable jusqu'aux 100 jours. Mais pendant les 100 jours, il a été faible, et dès lors, il est devenu irréconciliable. On punit les autres de la faute qu'on a faite, surtout quand cette faute décèle autant le manque de jugement que la faiblesse du caractère. Les grands intérêts sont moins ennemis des Bourbons que les petites vanités. Tel, pendant les 100 jours, a été héroïque, mais depuis les 100 jours, son orgueil a été blessé. Une querelle particulière l'a fait passer sous les drapeaux qu'il a combattus. Tel est religieux, mais on lui a persuadé qu'en parlant à présent des intérêts de l'Église, on manquait de prudence et qu'on nuisait à ses intérêts par trop de précipitation. Tel chérit la monarchie légitime, mais abhorre la noblesse et n'aime pas les prêtres. Tel est attaché aux Bourbons, les a servis, les servirait encore. Mais il veut aussi la liberté, les résultats politiques de la Révolution. Il s'est mis ridiculement en tête que les royalistes veulent détruire la liberté et revenir sur tout ce qui a été fait. Tel pourrait croire à quelque danger s'il n'était convaincu que ceux qui les signalent ne crient que parce qu'ils sont mécontents, que parce qu'ils ont été déjoués dans leurs intrigues et leurs ambitions particulières. Tels enfin, et c'est le plus grand nombre, sont frivoles ou pusillanimes, ne veulent que la tranquillité et les plaisirs, craignent jusqu'à la pensée de ce qui pourrait les troubler, et se rangent du côté de la puissance, croyant embrasser le parti du repos. Toutes ces personnes ne trahissent pas la monarchie légitime, mais elles servent d'instrument à la faction qui la trahit. En les voyant soutenir des hommes pervers et des opinions révolutionnaires, la foule, qui ne raisonne pas, croit que la raison est du côté de ces opinions et de ces hommes pervers. Ils entraînent ainsi, par l'autorité de leur exemple, et affaiblissent le bataillon des fidèles. Quand l'événement viendra les réveiller, quand, surpris par la catastrophe, ils s'apercevront qu'ils ont été les dupes des misérables qu'ils protègent, qu'ils ont servi de marchepied à l'usurpation, alors ils se feront loyalement tuer aux pieds du monarque, mais la monarchie sera perdue. Chapitre 86. Politique extérieure du système des intérêts révolutionnaires. Comment parlerai-je du dernier appui que cherchent les intérêts révolutionnaires? Qui aurait jamais imaginé que des Français, pour conserver de misérables places, pour faire triompher les principes de la Révolution, pour amener la destruction de la légitimité, iraient jusqu'à s'appuyer sur des autorités autres que celles de la patrie, jusqu'à menacer ceux qui ne pensent pas comme eux, de forces qui, grâce au ciel, ne sont pas entre leurs mains? Mais vous qui nous assurez, les yeux brillants de joie, que les étrangers veulent vos systèmes, ce que je ne crois pas du tout, vous qui semblez mettre vos nobles opinions sous la protection des baïonnettes européennes, ne reprochez-vous pas aux royalistes de revenir dans les bagages des alliés? Ne faisiez-vous pas éclater une haine furieuse contre les princes généreux qui voulaient délivrer la France de la plus infâme oppression? Que sont donc devenus ces sentiments héroïques? Français si fiers, si sensibles à l'honneur, c'est vous-même qui cherchez aujourd'hui à me persuader qu'on vous permet tel sentiment ou qu'on vous commande telle opinion. Vous ne mourriez pas de honte lorsque vous proclamiez pendant la session qu'un ambassadeur voulait absolument que le projet du ministre passât, que la proposition des chambres fût rejetée. Vous voulez que je vous croie quand vous venez me dire aujourd'hui, ce qui n'est sûrement qu'une odieuse calomnie, qu'un ministre français a passé 3 heures avec un ministre étranger pour aviser au moyen de dissoudre la Chambre des députés. Vous racontez confidemment qu'on a communiqué une ordonnance à un agent diplomatique et qu'il l'a fort approuvée. Et ce sont là des sujets d'exaltation et de triomphe pour vous. Quel est le plus français de nous deux, de vous qui m'entretenez des étrangers quand vous me parlez des lois de ma patrie, de moi qui ai dit à la Chambre des pairs les paroles que je répète ici? Je dois sans doute au sang français qui coule dans mes veines cette impatience que j'éprouve quand, pour déterminer mon suffrage, on me parle d'opinions placées hors de ma patrie. Et si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irai vivre à Constantinople. Ainsi la faction a mis les royalistes dans cette position critique. S'ils veulent combattre le système des intérêts révolutionnaires, on les menace de l'Europe pour les forcer au silence. Si cette menace leur ferme la bouche, on fait marcher en paix le système destructeur, et avec lui la conspiration contre la légitimité. Eh bien, ce sera moi qui, à mes risques et périls, élèverai la voix. Moi qui signalerai cette abominable intrigue du parti qui veut notre perte. Et comment les mauvais Français, qui soutiennent leurs sentiments par une si lâche ressource, ne s'aperçoivent-ils pas qu'ils vont directement contre leur but ? Ils connaissent bien peu l'esprit de la nation. S'il était vrai qu'il y eût du danger dans les opinions royalistes, vous verriez par cette raison même toute la France s'y précipiter. Un Français passe toujours du côté du péril parce qu'il est sûr d'y trouver la gloire. Au reste, faut-il s'étonner que des hommes qui ont été offrir la couronne des Bourbons à quiconque voulait la prendre, qui demandaient, selon leur expression, une pique et un bonnet de Cosaque plutôt qu'un descendant d'Henri IV, faut-il s'étonner que leur politique ressemble à leurs affections ? Comprendrait-il que ce n'est pas en se mettant sous les pieds d'un maître qu'on se fait respecter ? Qu'une conduite noble est sans danger ? Tenez fidèlement vos traités, payez ce que vous devez, donnez, s'il le faut, votre dernier écu, vendez votre dernier morceau de terre, la dernière dépouille de vos enfants pour payer les dettes de l'État. Le reste est à vous, vous êtes nus, mais vous êtes libres. Éloignons de vaines terreurs. Les princes de l'Europe sont trop magnanimes pour intervenir dans les affaires particulières de la France. Ils ont adopté cette haute politique de Burke. La France, dit ce grand homme d'État, doit être conquise et rétablie par elle-même, en la laissant à sa propre dignité. Il serait peu honorable, il serait peu décent, il serait encore moins politique, pour les puissances étrangères, de se mêler des petits détails de son administration intérieure, dans lesquels elle ne pourrait se montrer qu'ignorante, incapable et oppressive. Les alliés ont eux-mêmes délivré leur propre pays du joug des Français. Ils savent que les nations doivent jouir de cette indépendance, qu'on peut leur arracher un moment, mais qu'elles finissent toujours par reconquérir. Spoliatis arma supersunt. Si lors même que notre roi n'était pas encore rentré dans sa patrie, les monarques de l'Europe ont eu la générosité de déclarer qu'ils ne s'immisceraient en rien dans le gouvernement intérieur de la France. Nous persuadera-t-on, aujourd'hui, qu'ils veulent s'en mêler ? Nous persuadera-t-on qu'ils s'alarment de ces débats qui sont de la nature même du gouvernement représentatif ? Qu'ils ont trouvé mauvais que nous ayons discuté l'existence de la Cour des comptes et l'inamovibilité des juges ? Qu'ils vont s'armer parce que nos députés veulent rendre quelque splendeur à des hôtels arrosés du sang de tant de martyrs, ou parce qu'ils ont cru devoir éloigner les assassins de Louis XVI. N'est-ce pas insulter ces grands monarques que de nous les représenter accourant au secours d'un spoliateur ou d'un régicide, faisant marcher leurs soldats pour soutenir un receveur d'impôts qui chancelle ou un ministre qui tombe ? L'Europe n'a pas moins d'intérêt que les vrais Français à défendre la cause de la religion et de la légitimité. Elle doit voir avec plaisir le zèle de nos députés à repousser les doctrines funestes qui l'ont mise à deux doigts de sa perte. Quand nos tribunes retentissaient de blasphèmes contre Dieu et contre les rois, justement épouvantés, ont pris les armes. Vont-ils aujourd'hui marcher contre ceux qui font des efforts pour ramener les peuples à la crainte de Dieu et à l'amour des rois ? Qui a fait la guerre à l'Europe ? Qui l'a ravagée ? Qui a insulté tous les princes ? Qui a ébranlé tous les trônes ? Ne sont-ce pas les hommes que les royalistes combattent ? Certes, si par la permission de la divine Providence, on voyait aujourd'hui les princes de la terre soutenir les auteurs de tous leurs maux, s'ils prêtaient la main à la destruction des autels, au renversement de la morale et de la justice, de la véritable liberté et de la royauté légitime, il faudrait reconnaître que la Révolution française n'est que le commencement d'une révolution plus terrible. Il faudrait reconnaître que le christianisme, prêt à disparaître de l'Europe, la menace, par son extinction, d'un bouleversement général. Les grandes catastrophes dans l'ordre politique accompagnent toujours les grandes altérations dans l'ordre religieux, tant il est vrai que la religion est le vrai fondement des empires. homme de bonne foi, qui ne suivait que par une sorte de fatalité le système des intérêts révolutionnaires. J'ai rempli ma tâche. Vous êtes averti. Vous voyez maintenant où ce système vous mène. Me croirez-vous ? Je ne le pense pas. Vous prendrez, pour les passions d'un ennemi, ce qui est la franche et sincère conviction d'un honnête homme. Un jour, peut-être, il n'en sera plus temps, vous regretterez de ne m'avoir pas écouté. Vous reconnaîtrez alors quels étaient et quels n'étaient pas vos amis. Vous vous confiez aujourd'hui à des hommes qui flattent vos passions, caressent votre humeur, chatouillent vos faiblesses. À des hommes qui vous égarent, qui tiennent derrière vous, sur votre compte, les propos les plus méprisants, et sont les premiers à rire de ce qu'ils appellent votre incapacité. Ils vous poussent à des fautes dont ils profitent. Vous croyez qu'ils vous servent avec zèle. Les uns ne veulent que votre place, les autres que la ruine du trône que vous soutenez. Je vous le prédis, et j'en suis certain, vous n'arriverez point au but en suivant le système des intérêts révolutionnaires. Vous pensez y toucher, une fatale illusion vous trompe. Athamas, jouet d'une puissance ennemie, croyait déjà reconnaître le port d'Ithaque, le temple de Minerve, la forteresse, la maison d'Ulysse, et il croyait déjà voir au milieu de ses sujets tranquilles, dans l'antique palais de Laërte, ce roi si fameux par sa sagesse, qui, revenu de l'exil, éprouvé par le malheur, avait appris à connaître les hommes. Mais, quand le nuage vint à se dissiper, il ne vit plus qu'une terre inconnue, où vivait un peuple en butte aux factions, en guerre avec ses voisins, et que gouvernait un roi étranger poursuivi par la colère des dieux. Chapitre 87. Est-il un moyen de sauver la France ? Je laisserai trop d'amertume dans le cœur des bons Français en terminant ainsi mon travail. L'ouvrage, d'ailleurs, ne serait pas complet. Si j'ai exposé, sans déguisement, les périls dont nous sommes menacés, parce que j'ai pensé qu'il était nécessaire de nous réveiller au bord de l'abîme, si j'ai des craintes vives et fondées, j'ai aussi des espérances qui balancent ces craintes. Le mal est grand, mais le remède est infaillible. Dans aucun de mes écrits, je n'ai jamais rien avancé qu'avec défiance. Pour la première fois de ma vie, j'oserais prendre le langage affirmatif. J'oserais dire que je me crois sûr, très sûr, d'avoir trouvé le moyen, l'unique moyen de sauver notre patrie. Ce moyen s'est sans doute présenté à beaucoup d'autres esprits. Il est si simple, mais il n'a jusqu'ici, du moins que je sache, été suivi ni développé par personne. Les préjugés, les passions, les intérêts empêcheront peut-être de l'employer aujourd'hui. Mais je n'hésite point à prononcer qu'il faudra ou que l'administration l'adopte ou que la France périsse. Je vais dérouler mon plan, ce n'est point une utopie. En fait de gouvernement, il ne faut que des choses pratiques. Chapitre 88. Principes généraux dont on s'est écarté. Les premières sociétés ont pu être formées par une agrégation d'hommes que réunissaient des intérêts et des passions, mais elles ne se sont conservées qu'autant qu'elles ont établi dans leur sein la religion, la morale et la justice. Aucune révolution n'a fini que l'on ne soit revenu à ces trois principes fondamentaux de toute humaine société. Aucun changement politique chez un peuple n'a pu se consolider qu'il n'ait eu pour base l'ancien ordre politique auquel il a succédé. Quand les rois disparurent de Rome, il n'y eut presque rien de changé dans Rome. Les dieux surtout restèrent au Capitole. Quand Charles II remonta sur le trône de ses pères, la religion recouvra sa force, ses richesses et sa splendeur. On punit quelques criminels, on écarta quelques hommes faibles. Le Parlement conserva les droits politiques qu'il avait acquis. Le reste reprit son cours et marcha avec les anciennes mœurs. Voilà ce que nous n'avons pas voulu faire, et voilà pourquoi la monarchie légitime est menacée de nouveaux malheurs. Chapitre 89. Système d'administration à substituer à celui des intérêts révolutionnaires. D'après les principes que je viens de rappeler, voici le système à suivre pour sauver la France. Il faut conserver l'ouvrage politique, résultat de la Révolution, consacré par la Charte, mais extirper la Révolution de son propre ouvrage, au lieu de l'y enfermer, comme on l'a fait jusqu'à ce jour. Il faut, autant que possible, mêler les intérêts et les souvenirs de l'ancienne France dans la nouvelle, au lieu de les en séparer ou de les immoler aux intérêts révolutionnaires. Il faut bâtir le gouvernement représentatif sur la religion, au lieu de laisser celle-ci comme une colonne isolée au milieu de l'État. Ainsi, je veux toute la charte, toutes les libertés, toutes les institutions amenées par le temps, le changement des mœurs et le progrès des Lumières, mais avec tout ce qui n'a pas péri de l'ancienne monarchie, avec la religion, avec les principes éternels de la justice et de la morale, et surtout sans les hommes trop connus qui ont causé nos malheurs. Quelle singulière chose de prétendre donner à un peuple des institutions généreuses, nobles, patriotiques, indépendantes, et d'imaginer qu'on ne peut établir ces institutions qu'en les confiant à des mains qui n'ont été ni généreuses, ni nobles, ni patriotiques, ni indépendantes. De croire qu'on peut former un présent sans un passé, planter un arbre sans racines, une société sans religion. C'est faire le procès à tous les peuples libres. C'est renier le consentement unanime des nations. C'est mépriser l'opinion des plus beaux génies de l'Antiquité et des temps modernes. Mon projet a du moins l'avantage d'être conforme aux règles du sens commun et d'accord avec l'expérience des siècles. L'exécution en est facile, il vaut la peine d'être essayé. Qu'avons-nous gagné à suivre l'ornière où nous nous traînons depuis 3 ans ? Tâchons d'en sortir. Nous avons déjà brisé le char une fois. Si nous nous obstinons de nouveau, nous n'arriverons pas au terme du voyage. Chapitre 90. Développement du système. Comment le clergé doit être employé dans la restauration. Lorsque Dagobert fit rebâtir Saint-Denis, il jeta dans les fondations de l'édifice ses joyaux et ce qu'il avait de plus précieux. Jetez ainsi la religion et la justice dans les fondations de votre nouveau temple. Toutes les propositions de la Chambre des députés relativement au clergé non seulement étaient justes autant que morales, mais encore éminemment politiques. Les esprits superficiels n'ont point vu cela. Mais que voient-ils ? Voulez-vous faire aimer et respecter les institutions nouvelles ? Que le clergé aime et prêche de cœur les institutions ? Conduisez-les à l'antique autel de Clovis, avec le roi, qu'elles y soient marquées de l'huile sainte. Que le peuple assiste à leur sacre, si j'ose m'exprimer ainsi, et leur règne commencera. Jusqu'à ce moment, la charte manquera de sanctions aux yeux de la foule. La liberté, qui ne nous viendra pas du ciel, nous semblera toujours l'ouvrage de la révolution, et nous ne nous attacherons point à la fille de nos crimes et de nos malheurs. Que serait-ce en effet qu'une charte que l'on croirait en péril toutes les fois que l'on parlerait de Dieu et de ses prêtres ? Une liberté dont les alliés naturels seraient l'impiété, l'immoralité et l'injustice. Mais pour que le clergé s'attache à votre gouvernement, levez donc l'espèce de proscription dont il est encore frappé et qui semble tenir à ce gouvernement même. Faites que celui qui distribue le pain de vie puisse donner la charité au lieu de la recevoir, et que, prenant part lui-même à l'ordre politique, le ministre de Dieu ne soit plus étranger aux hommes. Ainsi, permettez aux églises d'acquérir. Rendez-leur le reste des domaines sacrés non encore vendus. Il est prouvé, par l'exemple de la Grande-Bretagne, que l'existence d'un clergé propriétaire n'est point incompatible avec celle d'un gouvernement constitutionnel. Dire que, parce que l'Église possédera quelques terres, le clergé redeviendra un corps politique en France, c'est une chimère que les ennemis de la religion mettent en avant sans y croire. Ils savent parfaitement combien nos mœurs et nos idées s'opposent aujourd'hui à tout envahissement du clergé. Ne voyons-nous pas des gens tout aussi sincères craindre à présent la puissance de la cour de Rome ? Ceux qui crient aujourd'hui aux papistes, disait le docteur Johnson, auraient crié au feu pendant le déluge. On fait valoir la générosité, la patience, la résignation du clergé qui ne demande rien, qui souffre en silence pendant que tout le monde murmure et réclame quelque chose. Il est curieux d'argumenter de ses vertus pour le laisser mourir de faim. C'est pour ses vertus mêmes qu'il faut lui donner. Qui recevra les biens dont je veux qu'on remette la jouissance au clergé ? Les biens n'appartenaient pas aux églises en général. Ils étaient le patrimoine particulier d'ordres monastiques, d'abbayes, d'évêchés même, qui n'existent plus. Que j'aime avoir ces tendres sollicitudes et ces soucis vraiment paternels. Mais rendez toujours et laissez faire ceux à qui vous aurez rendu. Il est probable que l'Église, qui ne s'entend pas trop mal en administration, trouvera moyen, aussi bien que vous, de gérer et de répartir quelques chétives propriétés. Le clergé sera donc organisé. Il aura donc un conseil administratif, Quel mal cela vous fera-t-il? Les villes, les communes, les fabriques, les hôpitaux ne possèdent-ils pas, n'ont-ils pas aussi des assemblées pour diriger leurs affaires? Par cette opération salutaire, le peuple se trouvera d'abord soulagé d'une partie de l'impôt qu'il paie pour le culte. À mesure que les églises acquerront, on diminuera les secours que l'État est obligé de leur fournir. Le clergé reprendra en même temps cette dignité qui naît de l'indépendance. Devenu propriétaire, ou du moins trouvant une existence honorable dans les propriétés de l'Église, il s'intéressera à la propriété commune. Cet acte de justice l'attachera au gouvernement. Engagé par la reconnaissance, vous aurez bientôt dans vos rangs un auxiliaire dont la force égalera le zèle. Augmentez ensuite son penchant pour la monarchie nouvelle, en lui rendant partout où cela sera possible la tenue des registres de l'état civil. Quand le législateur peut choisir entre des institutions, il doit préférer la plus morale à celle qui l'est moins. Le chrétien reçu par un prêtre en venant au monde, inscrit sous le nom et la protection d'un saint à l'autel du Dieu vivant, semble, pour ainsi dire, protester en naissant contre la mort et prendre acte de son immortalité. L'Église, qui l'accueille à son premier soupir, paraît lui apprendre encore que les premiers devoirs de l'homme sont les devoirs de la religion, et cela renferme tous les autres. Ces idées si nobles et si utiles ne s'attachent point au registre purement civil. C'est un catalogue d'esclaves pour la loi et de conscrits pour la mort. Il n'y a aucun doute que l'éducation publique ne doive être remise entre les mains des ecclésiastiques et des congrégations religieuses, aussitôt que l'on pourra. C'est le vœu de la France. Que la pairie appartienne au siège de tous les archevêchés de France, qu'il y ait dans la chambre des pairs le banc des évêques, comme il existe dans la chambre des lords en Angleterre. Je ne vois rien qui puisse empêcher encore qu'un ecclésiastique soit élu membre de la Chambre des députés. La charte ne s'y oppose pas s'il est propriétaire. Cela ne blesserait ni nos mœurs ni nos souvenirs, puisque le clergé formait autrefois le premier ordre de nos états généraux et que nous sommes également accoutumés à l'entendre parler dans la chaire et dans les assemblées politiques. Je ne doute point que le clergé, tenant au sol de la France par la propriété des églises, prenant une part active à nos institutions civiles et politiques, ne fournit en même temps une classe de citoyens aussi dévoués que nous-mêmes à la charte. Depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours, il est incontestable que les talents supérieurs se sont trouvés placés dans l'Église. Elle a fourni nos plus grands ministres, comme elle nous a donné nos plus éloquents orateurs et nos premiers écrivains. Répandus dans le corps social, les prêtres y porteraient une influence salutaire, ils guériraient les plaies faites par la Révolution, apaiseraient le bouillonnement des esprits, corrigeraient les mœurs, rétabliraient peu à peu les idées d'ordre et de justice, déracineraient les fausses doctrines, introduiraient de toutes parts la religion qui est le ciment des institutions humaines et la morale qui donne la perpétuité à la politique. Mais l'esprit du clergé ne sera-t-il pas en opposition avec l'esprit du gouvernement constitutionnel? Et depuis quand la religion chrétienne est-elle ennemie d'une liberté réglée par les lois? L'Évangile n'a-t-il pas été prêché à toute la terre? N'est-ce pas un de ses caractères divins que de pouvoir s'appliquer à toutes les formes de société? Dans le Moyen-Âge, l'Italie était couverte de républiques, et l'Italie était catholique comme aujourd'hui. Les trois cantons d'Uri, de Schwitz et d'Underwald ne professent-ils pas également la religion catholique et n'y a-t-il pas déjà 4 siècles qu'ils ont donné à l'Europe barbare l'exemple de la liberté? En Angleterre, un clergé riche et puissant est le plus ferme appui du trône, comme de la constitution britannique. Et le temps n'est pas éloigné sans doute où le clergé catholique irlandais jouira des bienfaits de cette belle constitution. Enfin, si vous laissez, comme on l'a fait jusqu'ici, le clergé en dehors de tout, vous le rendrez nécessairement ennemi, ou du moins indifférent. Une grande partie de l'opinion le suivra et se détachera de vous. Ce clergé, tout pauvre, tout misérable que vous l'aurez laissé, créera malgré vous un empire dans un empire. Il se rappellera bien plus le rang qu'il occupait jadis en France, quand vous le tiendrez à l'écart, que lorsque vous l'aurez admis à tout ce qu'il peut être. S'il se plaignait alors, ce serait sans justice, car il faut bien qu'il supporte les modifications éprouvées par les autres ordres de l'État. Au reste, lorsque j'insiste, comme premier moyen de salut, sur la nécessité de faire rentrer la religion dans la monarchie, je ne prétends aller ni au-delà ni en deçà du siècle. La raison est mon guide, et je sais très bien ce qui se peut et ce qui ne se peut pas. Sur ce point, j'ai exposé ma doctrine à la Chambre des Pairs, qu'il me soit permis de la rappeler. « Plus le haut rang de la pairie, disais-je, en parlant sur la loi des élections, semble nous éloigner de la foule, plus nous devons nous montrer les zélés défenseurs des privilèges du peuple. Attachons-nous fortement à nos nouvelles institutions. Empressons-nous d'y ajouter ce qui leur manque. Pour relever l'autel avec des applaudissements unanimes, pour justifier la rigueur que nous avons déployée dans la poursuite des criminels, soyons généreux en sentiments politiques. Réclamons sans cesse tout ce qui appartient à l'indépendance et à la dignité de l'homme. Quand on saura que notre sévérité religieuse n'est point de la bigoterie, que la justice que nous demandons pour les prêtres n'est point une inimitié secrète contre les philosophes, que nous ne voulons point faire rétrograder l'esprit humain, que nous désirons seulement une alliance utile entre la morale et les lumières, entre la religion et les sciences, entre les bonnes mœurs et les beaux-arts, alors rien ne nous sera impossible. Alors tous les obstacles s'évanouiront. Alors nous pourrons espérer le bonheur et la restauration de la France. Trois choses, messieurs, feront notre salut, le roi, la religion et la liberté. C'est comme cela que nous marcherons avec le siècle et avec les siècles, et que nous mettrons dans nos institutions la convenance et la durée. Chapitre 91. Comment la noblesse doit entrer dans les éléments de la restauration. La noblesse, comme le clergé, doit se mêler à nos institutions pour apporter dans la société nouvelle la tradition de l'ancien honneur, la délicatesse des sentiments, le mépris de la fortune, le désintéressement personnel, la foi des serments, cette fidélité dont nous avons un si grand besoin et qui est la vertu distinctive d'un gentilhomme. Mais sur ce point, j'ai peu de choses à désirer, et la noblesse est venue tout naturellement, en vertu de la charte, prendre place dans le nouveau gouvernement. Je me suis fort étendu dans les réflexions politiques sur l'ancienne noblesse de France et sur les avantages qu'elle trouverait dans la monarchie représentative. Je lui avais prédit que ceux de ses membres qui n'entreraient pas d'abord dans la Chambre des Pairs trouveraient la plus belle carrière ouverte dans la Chambre des députés. Je lui avais prédit encore qu'elle prendrait goût à l'ordre politique actuel. Avais-je tort ? Il y a tel gentilhomme, aujourd'hui député, qui certes n'aurait jamais cru arriver aux opinions où il est parvenu dans le cours de la session dernière. C'est le résultat naturel des choses. On s'attache à ce que l'on fait, on aime ce qui nous procure des succès. Je le demande à ceux qui ont brillé dans cette assemblée, à ceux dont on a retenu les discours, à ceux dont la France et l'Europe répètent les noms, si le gouvernement représentatif leur paraît aujourd'hui contraire à leurs intérêts véritables. Combien ils doivent être heureux de se voir environnés d'hommages, reçus en triomphe, pour avoir défendu à la fois le roi et le peuple, pour avoir fait entendre le langage de la religion, de la justice, de la loyauté et de l'honneur, depuis si longtemps oubliés. Les jalousies entre les ordres de l'État, premier principe de notre révolution, disparaîtront nécessairement un jour par la composition naturelle de la Chambre des députés. Ce qu'on appelait autrefois le noble et le bourgeois, réunis pour le bien de la patrie, apprendront à s'estimer les uns les autres. Fiers de porter ensemble le beau nom de députés du peuple français, ils n'admettront plus entre eux que cette inégalité qui vient de la différence des talents et de la diversité des vertus. Je suis donc persuadé que l'ancienne noblesse de France, qui a déjà rejoint à l'armée tous ses nouveaux compagnons d'armes, faits nobles par le courage et par l'honneur, cette noblesse qui vient de prendre une part si brillante à l'ordre politique, aura bientôt fait taire tous les regrets, et qu'elle deviendra un aussi ferme soutien de la monarchie représentative qu'elle le fut de l'ancienne monarchie. La liberté n'est point étrangère à la noblesse française, et jamais elle ne reconnut dans nos rois de puissance absolue que sur son cœur et sur son épée. Chapitre 92. Continuation du précédent. Qu'il faut attacher les hommes d'autrefois à la monarchie nouvelle. Éloge de cette monarchie. Conclusion. Depuis la Restauration, quelques hommes de bonne foi, dupes des intérêts révolutionnaires, se sont efforcés de convertir les hommes d'aujourd'hui à l'ancienne royauté. C'est le contre-pied du vrai système. Ce sont les hommes d'autrefois qu'il faut réconcilier avec les nouvelles institutions. Je conviens que nos malheurs ont pu faire naître contre le gouvernement représentatif des préjugés fort légitimes. Mais si l'ancien régime ne peut se rétablir, comme je crois l'avoir rigoureusement démontré dans les réflexions politiques, que voudrait-on mettre à sa place? Et d'ailleurs, cet ancien régime, tout admirable qu'il pouvait être, n'avait-il pas eu comme l'ordre des choses actuelles ces temps de crise et de détresse? Nos vieillards, se rappelant les jours sereins qui ont précédé nos tempêtes, peuvent croire qu'un calme aussi parfait était uniquement dû à la bonne constitution de l'ancien gouvernement. Mais si nous pouvions interroger nos pères qui vivaient du temps de la Ligue, nous les entendrions peut-être accuser ce gouvernement, aujourd'hui l'objet de nos regrets. Tout peut devenir cause de crime. Les principes les meilleurs, les plus sains établissements. Les hommes conserveraient peu de choses s'ils rejetaient toutes les institutions qui ont été le prétexte ou le résultat de leur malheur. La monarchie représentative peut n'être pas parfaite, mais elle a des avantages incontestables. Y a-t-il guerre au dehors, agitation au dedans? Elle se change en une espèce de dictature par la suspension de certaines lois. Une chambre est-elle factieuse? Elle est arrêtée par l'autre ou dissoute par le roi. Le temps fait-il monter sur le trône un prince ennemi de la liberté publique? Les chambres préviennent l'invasion de la tyrannie. Quel gouvernement peut imposer des taxes plus pesantes, lever un plus grand nombre de soldats? Les lettres et les arts fleurissent particulièrement sous cette monarchie. Qu'un roi meure dans un empire despotique, les travaux qu'il a commencés sont interrompus. Avec des chambres toujours vivantes, sans cesse renouvelées, rien n'est jamais abandonné. Elles ressemblent, sous ce rapport, à ces grands corps religieux et littéraires qui ne mouraient point, et qui amenaient à terme les immenses ouvrages que des particuliers n'auraient jamais pu entreprendre, encore moins perfectionner et finir. Chaque homme trouve sa place naturelle dans cette sorte de gouvernement, qui emploie nécessairement les talents et les lumières, qui sait se servir de tous les rangs comme de tous les âges. En France, autrefois, que devenaient la plupart des hommes lorsqu'ils avaient atteint l'âge destiné à recueillir les fruits que la jeunesse a promis? Que leur restait-il à faire dans la plénitude de leurs ans alors qu'ils jouissaient de toutes les facultés de leur esprit? À charge aux autres et à eux-mêmes, dépouillés de ces passions qui animent la jeunesse ou de ces avantages qui la font rechercher, ils vieillissaient dans une garnison, dans un tribunal, dans les antichambres de la cour, dans les sociétés de Paris, dans le coin d'un vieux château, oisifs par état, souffert plutôt que désiré, n'ayant pour toute occupation que l'historiette de la ville, la séance académique, le succès de la pièce nouvelle, et pour les grands jours, la chute d'un ministre. Tout cela était bien peu digne d'un homme. N'était-il pas assez dur de ne servir à rien, dans l'âge où l'on est propre à tout? Aujourd'hui, les mâles occupations qui remplissaient l'existence d'un Romain et qui rendent la carrière d'un Anglais si belle s'offriront à nous de toutes parts. Nous ne perdrons plus le milieu et la fin de notre vie. Nous serons des hommes quand nous aurons cessé d'être des jeunes gens. Nous nous consolerons de n'avoir plus les illusions du premier âge, en cherchant à devenir des citoyens illustres. On n'a rien à craindre du temps quand on peut être rajeuni par la gloire. Telles sont les considérations qu'il est à propos de présenter aux hommes de probité et de vertu, qui, déjà repoussés par votre ingratitude et vos faux systèmes, n'auraient encore pour nos institutions nouvelles que de l'éloignement et du dégoût. Hâtons-nous de les appeler à notre secours. On a fait tant d'avance pour gagner des gens suspects. Faisons quelques efforts pour environner le trône de serviteurs fidèles. C'est à ceux-ci qu'il appartient de diriger les affaires. Ils rendront meilleur tout ce qui leur sera confié. Les autres gâtent tout ce qu'ils touchent. Qu'on ne mette plus les honnêtes gens dans la dépendance des hommes qui les ont opprimés, mais qu'on donne les bons pour guide aux méchants. C'est l'ordre de la morale et de la justice. Confiez donc les premières places de l'État aux véritables amis de la monarchie légitime. Vous en faut-il un si grand nombre pour sauver la France ? Je n'en demande que 7 par département. Un évêque, un commandant, un préfet, un procureur du roi, un président de la cour prévôtale, un commandant de gendarmerie et un commandant de garde nationale. Que ces 7 hommes-là soient à Dieu et au roi. Je réponds du reste. Mais il ne faut pas qu'un ministère entrave, retienne, paralyse, tracasse, tourmente, persécute et destitue ces 7 hommes. Qui leur donne tort en toute occasion contre les malveillants et les conspirateurs. Aussi, point de ministres et de chefs de direction suspects, ou dans le système des intérêts moraux révolutionnaires. Que les premiers administrateurs ne persécutent personne, qu'ils soient doux, indulgents, tolérants, humains, qu'ils ne souffrent aucune réaction, qu'ils embrassent franchement la charte et respectent toutes nos libertés, mais qu'en même temps ils aient l'horreur des méchants, qu'ils donnent la préférence à la vertu sur le vice, qu'ils ne fassent pas consister l'impartialité à placer ici un honnête homme et là un homme pervers, qu'ils favorisent toutes les lois justes, qu'ils appuient hautement et ouvertement la religion, qu'ils soient dévoués au roi et à la famille royale, jusqu'à la mort s'il le faut, et la France sortira de ses ruines. Quant à ces hommes capables, mais dont l'esprit est faussé par la Révolution, à ces hommes qui ne peuvent comprendre que le trône de Saint-Louis a besoin d'être soutenu par l'autel et environné des vieilles mœurs, comme des vieilles traditions de la monarchie, qu'ils aillent cultiver leur champ. La France pourra les rappeler quand leurs talents, lassés d'être inutiles, seront sincèrement convertis à la religion et à la légitimité. Pour ce qui est du troupeau des administrateurs subalternes, il serait insensé de les juger avec rigueur. Donnez-leur des chefs fidèles, des gardiens sûrs et vigilants, et vous n'aurez rien à craindre. D'ailleurs, le temps des épurations est passé. Dans le mouvement à donner aux affaires, consultez le génie des Français. Que l'administration soit économe sans être mesquine, qu'elle soit surtout ferme, surveillante et animée. Sire, disais-je au roi, dans mon rapport fait à Gand, évitez les excès de Buonaparte, ne pas trop multiplier, à son exemple, les actes administratifs, était une pensée sage et utile. Cependant, depuis 25 ans, les Français s'étaient accoutumés au gouvernement le plus actif que l'on ait jamais vu chez un peuple. Les ministres écrivaient sans cesse. Des ordres partaient de toutes parts. Chacun attendait toujours quelque chose. Le spectacle, l'acteur, le spectateur changeaient à tous les moments. Quelques personnes semblent donc croire qu'après un pareil mouvement, détendre trop subitement les ressorts serait dangereux. C'est, disent-elles, laisser des loisirs à la malveillance, nourrir les dégoûts, exciter des comparaisons inutiles. L'administrateur secondaire, accoutumé à être conduit dans les choses, même les plus communes, ne sait plus ce qu'il doit faire, quel parti prendre. Peut-être serait-il bon, dans un pays comme la France, si longtemps enchanté par les triomphes militaires, d'administrer vivement, dans le sens des institutions civiles et politiques, de s'occuper ostensiblement des manufactures, du commerce, de l'agriculture, des lettres et des arts. De grands travaux commandés, de grandes récompenses promises, des prix, des distinctions éclatantes accordées aux talents, des concours publics, donneraient une autre tendance aux mœurs, une autre direction aux esprits. Le génie du prince, particulièrement formé pour le règne des arts, répandrait sur eux un éclat immortel. Certains de trouver dans leur roi le meilleur juge, le politique le plus habile, l'homme d'État le plus instruit, les Français ne craindraient plus d'embrasser une nouvelle carrière. Les triomphes de la paix leur feraient oublier les succès de la guerre, ils croiraient n'avoir rien perdu en changeant laurier pour laurier, gloire pour gloire. Il faut ensuite expédier matériellement beaucoup d'affaires, désencombrer, vider beaucoup de cartons, se mettre le plus possible au courant, de manière à dégager la marche de l'administration. C'est un travail de 6 mois. Les sessions des chambres doivent être courtes, mais rapprochées. Que les projets de loi soient préparés d'avance, avec soin. On apprendra un jour à les resserrer, comme en Angleterre. C'est un vice capital de notre législation que les articles innombrables de nos projets de loi. Ils amènent de force des discussions interminables et des amendements sans fin. Quand les chambres ne seront plus contrariées, loin d'entraver, elles accroîtront la force et l'action du gouvernement. Je ne poursuivrai pas plus loin les développements de mon système. J'ai déjà signalé les principes les plus utiles dans les premiers chapitres de cet écrit. Il me resterait encore beaucoup de choses à indiquer touchant l'éducation, les lettres et les arts, mais il faut finir et me borner aux grandes lignes politiques. Je me résume en quelques mots. La religion, base du nouvel édifice, la charte et les honnêtes gens, les choses politiques de la Révolution et non les hommes politiques de la Révolution, voilà tout mon système. Le contraire de ce système est précisément ce que l'on a adopté. On a toujours voulu les hommes beaucoup plus que les choses. On a gouverné pour les intérêts, nullement pour les principes. On a cru que l'œuvre et le chef-d'œuvre de la Restauration consistaient à conserver chacun à la place qu'il occupait. Cette stérile et timide idée a tout perdu, car les principaux auteurs de nos troubles, ayant des intérêts opposés aux intérêts de la monarchie légitime, ne pouvant d'ailleurs que détruire et étant inhabiles à fonder, la Restauration n'a point marché et la France a été replongée dans l'abîme. On se rassure vainement sur l'excellent esprit de la garde et de l'armée, sur la bonne composition de la gendarmerie. Ce sont deux grandes choses, sans doute, mais elles ne suffisent pas. Le système des intérêts révolutionnaires aurait bientôt détruit ce bel ouvrage. Partout où il s'insinue, il empoisonne, gâte et corrompt tout. Il détériore le bien, arrête les choses les plus heureusement commencées, persécute les hommes fidèles, les force à se retirer, décourage le zèle, favorise les malveillants. Il triompherait tôt ou tard de la monarchie légitime. Dans mon plan, le succès de cette monarchie est assuré, mais je sais qu'il faut du courage pour le suivre. Il est plus facile d'attaquer les choses qui se taisent que les hommes qui crient. Il est plus aisé de renverser une charte qui ne se défend pas que des intérêts personnels qui font une vive résistance. Je n'en suis pas moins persuadé qu'il n'y a de salut que dans la vérité politique que j'expose ici. Si les uns croyaient que l'on peut revenir à toutes les anciennes institutions, si les autres pensaient qu'on ne doit gouverner la France qu'avec les mains qui l'ont déchirée, ce serait de part et d'autre la méprise la plus funeste. La France veut les intérêts politiques et matériels créés par le temps et consacrés désormais par la charte. Mais elle ne veut plus ni les principes ni les hommes qui ont causé nos malheurs. Hors de là, tout est illusion. Et l'administration qui ne sentira pas cette vérité tombera dans des fautes irréparables. Ma tâche est remplie. Je n'ai jamais écrit un ouvrage qui m'ait tant coûté. Souvent, la plume m'est tombée des mains, et dans des moments de découragement et de faiblesse, j'ai quelquefois été tenté de jeter le manuscrit au feu. Quels que soient pour moi les résultats de cet ouvrage, je le compterai au moins au nombre des bonnes actions de ma vie. Fais ce que tu dois, arrive ce que pourra. Pour avertir la France, qui me paraît en péril, pour la réveiller au bord de l'abîme, il m'a fallu ne rien calculer. Obligé de tout dire, de heurter de front bien des hommes, de froisser une multitude d'intérêts, je me suis résigné à tout. J'ai cru voir le salut de la patrie, comme je le disais à la Chambre des Pairs, dans l'union des anciennes mœurs et des formes politiques actuelles, du bon sens de nos pères et des lumières du siècle, de la vieille gloire de Du Guesclin et de la nouvelle gloire de Moreau. Enfin, dans l'alliance de la religion et de la liberté fondée sur les lois. Si c'est là une chimère, les cœurs nobles ne me la reprocheront pas. Post-scriptum. La Chambre des députés est dissoute. Cela ne m'étonne point. C'est le système des intérêts révolutionnaires qui marche. Je n'ai donc rien à changer à cet écrit. J'avais prévu le dénouement et je l'ai plusieurs fois annoncé. Cette mesure ministérielle sauvera, dit-on, la monarchie légitime. Dissoudre la seule assemblée qui, depuis 1789, ait manifesté des sentiments purement royalistes, c'est à mon avis une étrange manière de sauver la monarchie. On a vu au chapitre 6 la doctrine constitutionnelle sur les ordonnances dans la monarchie représentative. Sous l'Ancien Régime, une ordonnance du roi était une loi, et personne n'avait le droit de la discuter. Dans notre nouvelle Constitution, une ordonnance n'est forcément qu'une mesure des ministres. Tout citoyen a donc le droit de l'examiner, et ce qui est un droit pour chaque citoyen est un devoir pour les pairs et pour les députés. Si une ordonnance mettait la France en péril, les chambres pourraient en accuser les ministres. Ceux-ci sont donc les véritables auteurs de ces ordonnances, puisqu'ils peuvent être poursuivis pour ces ordonnances. Je vais donc, conformément à la raison et aux principes constitutionnels, examiner sans scrupule l'ordonnance du 5 septembre. Les ministres, dans le considérant, rappellent ces sages paroles de l'admirable discours du roi à l'ouverture de la dernière session. Aucun de nous ne doit oublier qu'auprès de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover. Il peut paraître d'abord un peu singulier que les ministres aient cité cette phrase, car sur qui le reproche d'innovation tombe-t-il ? Ce n'est pas sur la Chambre, qui n'a rien innové. C'est donc sur l'ordonnance du 13 juillet 1815, qui avait changé quelques articles de la Charte. C'est donc une querelle d'ordonnance à ordonnance, de ministère à ministère. Les ministres qui ont lu le discours du roi, puisqu'ils en citent une phrase dans l'ordonnance du 5 septembre, n'ont-ils point lu, dans ce même discours, ce passage si remarquable ? Messieurs, c'est pour donner plus de poids à vos délibérations, c'est pour en recueillir moi-même plus de lumière, que j'ai créé de nouveaux pairs, et que le nombre des députés des départements a été augmenté. Puisqu'ils ont également oublié le considérant de l'ordonnance du 13 juillet 1815, je vais le leur remettre sous les yeux. Nous avions annoncé que notre intention était de proposer aux chambres une loi qui régla les élections des députés des départements. Notre projet était de modifier, conformément à la leçon de l'expérience et aux vœux bien connus de la nation, plusieurs articles de la charte touchant les conditions d'éligibilité, le nombre des députés et quelques autres dispositions relatives à la formation de la chambre, à l'initiative des lois et au mode de ses délibérations. Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux chambres, nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départements se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la nation fût suffisamment représentée, qu'il importait surtout, dans de telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse, que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus directement des collèges électoraux, qu'enfin les élections servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples. Nous nous sommes donc déterminés à dissoudre la Chambre des députés et à en convoquer sans délai une nouvelle. Mais le mode des élections n'ayant pu être réglé par une loi, non plus que les modifications à faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de notre justice de faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte dans les conditions d'éligibilité, mais voulant cependant que, dans aucun cas, aucune modification à la charte ne puisse devenir définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions de la présente ordonnance seront le premier objet des délibérations des chambres. Le pouvoir législatif, dans son ensemble, statuera sur la loi des élections, sur les changements à faire à la charte dans cette partie. Changements dont nous ne prenons ici l'initiative que dans les points les plus indispensables et les plus urgents, en nous imposant même l'obligation de nous rapprocher autant que possible de la charte et des formes précédemment en usage. Que de choses dans les motifs de cette ordonnance ! Les ministres qui l'ont faite disent qu'il faut modifier plusieurs articles de la charte, conformément à la leçon de l'expérience et aux vœux bien connus de la nation. Ils assurent que le nombre des députés des départements se trouve, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la nation soit suffisamment représentée. Ils prétendent qu'il est important que la représentation nationale soit nombreuse, que les élections servent comme d'expression à l'opinion de la France. Enfin, insistant sur le même principe, ils déclarent que, bien que le mode des élections n'eût pu être encore réglé par une loi, il était de la justice de faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte dans les conditions de l'éligibilité. Tout cela était vrai il y a à peine un an. Ce n'est donc plus vrai aujourd'hui ? Le vœu bien connu de la nation a donc changé ? La leçon de l'expérience et le vœu bien connu de la nation demandaient alors la révision de quelques articles de la charte. Et à présent, les ministres nous disent que les vœux et les besoins des Français sont pour conserver intacte la charte constitutionnelle ? Il fallait au moins changer les mots. Que penser lorsqu'on voit des hommes qui avaient applaudi avec transport à la première ordonnance, applaudir avec fureur à la seconde ? On s'est donc trompé lorsqu'on a cru que le nombre des députés des départements était beaucoup trop réduit. La nation, composée de 24 millions d'habitants, sera donc suffisamment représentée par 250 députés. Les départements de la Lozère, des Hautes et Basses-Alpes, par exemple, qui n'auront qu'un seul député à la Chambre, seront-ils pleinement satisfaits ? Si nous changeons de ministre tous les ans, aurons-nous, d'année en année, un nouveau mode d'élection ? Qui m'assure que les ministres de l'année prochaine ne trouveront pas encore la représentation de cette année trop nombreuse ? Une centaine de leurs commis, toujours légalement assemblés, ne leur paraîtront-ils pas former une chambre plus convenable et plus dans les intérêts de la France ? On s'en tiendra désormais à la charte, me dira-t-on. Dieu le veuille, c'est tout ce que je demande. Mais je ne suis pas du tout tranquille, en vertu de l'article 14 de la charte, qui donne au roi le pouvoir de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Les ministres ne pourront-ils pas voir la sûreté de l'État partout où ils verront la sûreté de leur place ? Il y a tant de constitutionnels qui veulent gouverner aujourd'hui avec des ordonnances, qu'il est possible qu'un beau matin, toute la charte soit confisquée au profit de l'article 14. J'entends bien que si, par la nouvelle ordonnance, on avait pu convoquer une chambre nouvelle sans violer un seul article de la charte, on eut du moins un prétexte pour masquer un intérêt. Mais l'ordonnance du 5 septembre est aussi en contradiction avec un article fondamental de la charte. L'article 35 dit « La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois. » Or, ces lois n'ont point été faites. Les collèges électoraux, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne sont point légaux. Chose bizarre, on détruit la moitié de l'ordonnance du 13 juillet sous prétexte qu'elle viole les principes de la charte, et on laisse subsister dans cette ordonnance ce qu'il y a de plus contraire à la charte. Car enfin, ce sont les collèges électoraux qui nomment les députés, et les collèges actuels ne sont point dans la charte. Bien plus, ces collèges formés autrefois par Buonaparte n'avaient pas le droit d'élire des députés. Ils nommaient seulement des candidats, et le Sénat choisissait parmi ces candidats les membres du corps législatif. Ainsi, l'ordonnance du 5 de ce mois, ni plus ni moins que l'ordonnance du 13 juillet 1815, non seulement viole l'article 35 de la Charte, mais attribue encore à des collèges illégaux des pouvoirs que ces collèges n'avaient même pas sous Buonaparte. Elle blesse à la fois la nouvelle et l'ancienne loi. Ainsi donc, pour ne faire qu'un ouvrage irrégulier, et qui blesse également cette charte à laquelle on prétend nous rappeler, on remet encore en question le sort de notre malheureuse patrie. On joue encore notre destinée sur une carte. On frappe le crédit public que toute secousse alarme et resserre. On donne à nos institutions une instabilité effrayante. Et par la contradiction des ordonnances, on compromettrait la majesté du trône, si le sceptre n'était aux mains d'un de ces rois qui, d'un seul regard, rétablissent l'ordre autour d'eux, et dont le caractère et la sagesse, le calme et la dignité même. Depuis 25 ans, la France n'a pu avoir un moment de repos. Jamais un homme n'a pu se dire « je ferai telle chose demain ». Un mauvais génie va toujours troublant l'avenir et ne laissant rien devant nous. Que sortira-t-il de ces élections où les passions peuvent être émues, où les partis vont se trouver en présence ? Fatale prévoyance, je disais à la Chambre des Pairs au sujet de la loi des élections dans la séance du 3 avril. Une ordonnance, messieurs, a pu suffire au commencement de la présente session parce qu'il y avait force majeure, parce que les événements commandaient ces mesures extraordinaires que l'article 14 de la Charte autorise dans les temps de danger. Mais aujourd'hui, quelle nécessité si violente justifierait un pareil coup d'État ? Vous sentez-vous assez de courage, messieurs, pour prendre sur votre responsabilité tout ce qui peut arriver dans l'intervalle d'une session à l'autre, dans le cas où vous repousseriez la loi d'élection. Oh, si par une fatalité inexplicable, des collèges illégaux, convoqués par une ordonnance illégale, allaient nommer des députés dangereux pour la France, quels reproches ne vous feriez-vous point ? Pourriez-vous entendre le cri de douleur de votre patrie ? Pourriez-vous ne pas craindre le jugement de la postérité ? Ce discours que je tenais au pair de France, je l'adresse aujourd'hui au ministre, qu'il voie la consternation des honnêtes gens, le triomphe des révolutionnaires, et je les fais juges eux-mêmes de ce qu'ils ont fait. Si une fille sanglante de la Convention allait sortir des collèges électoraux, ne regretterait-il point cette Chambre qui a pu contrarier leur système ? Mais où se rencontrait l'élite des vrais Français ? Où se trouvaient des hommes qui, en partageant jadis l'exil du roi, avaient retenu quelque chose des vertus de leur maître ? Les ministres apprendraient alors à leurs dépens, et malheureusement à ceux de la France, que leurs prétendus amis sont moins faciles à conduire que leurs prétendus ennemis. Ils verraient s'il est plus commode d'avoir affaire à une assemblée d'ambitieux révolutionnaires qu'à une chambre dont le roi regardait les députés comme un bienfait de la Providence. Et si les révolutionnaires ne dominent pas tout à fait dans la nouvelle chambre, les ministres n'ont-ils point à craindre qu'une assemblée, divisée en deux partis violents, ne présente à l'Europe le spectacle et ne promette les résultats d'une diète de Pologne ? Vous la dissoudrez encore ? Quoi ? Tous les mois, de nouvelles élections ? Vous voulez donc absolument donner raison à ceux qui ne veulent pas de la charte ? Enfin, si la nouvelle chambre n'est composée que d'hommes nuls et passifs, incapables, si l'on veut, de faire le mal, mais incapables aussi de l'arrêter, si cette chambre devenait l'instrument aveugle de la faction qui pousse à l'illégitimité, je demande encore ce que deviendrait notre malheureuse patrie. Quels motifs impérieux ont donc pu porter les ministres à avoir recours à la prérogative royale ? Quel avantage peut balancer les inconvénients de toutes les sortes que présente dans ce moment la convocation des collèges électoraux ? Rentrer dans les termes de la charte est une chose bonne en soi, mais j'ai montré qu'on n'y rentrait pas. Voici la grande raison pour laquelle on met encore la France en loterie. On a craint que la Chambre, à son retour, n'éclairât la couronne sur les dangers des systèmes que l'on suit. Toutefois, que les bons Français ne perdent point courage, qu'ils ne se retirent point, qu'ils se présentent en foule aux élections. Ils auront sans doute à vaincre bien des obstacles. Il leur faudra lutter contre la puissance d'un parti qui ne prend même pas la peine de dissimuler ses intentions, qu'ils ne soient point abattus si l'on crée autour d'eux une défaveur momentanée, une opinion factice, s'ils lisent dans les journaux de grands articles à la louange de la dissolution de la Chambre, qu'ils se rappellent que la presse n'est pas libre, qu'elle est entre les mains des ministres, que ce sont les ministres qui ont fait dissoudre la Chambre et qui font les journaux. S'ils remarquent la hausse des fonds, qu'ils sachent que le jour où l'ordonnance du 5 fut publiée, on fit faire un mouvement à la bourse. Un agioteur osa s'écrier « Les brigands ne reviendront plus !» Il parlait des députés. Ce n'est pas à des royalistes que je prêcherai le désintéressement. Je ne leur dirai rien des places que l'on pourra leur promettre, mais qu'ils se mettent en garde contre une séduction à laquelle il nous est si difficile d'échapper. On leur parlera du roi, de sa volonté, comme on en parlait aux chambres. Les entrailles françaises seront émues, les larmes viendront aux yeux. Au nom du roi, on ôtera son chapeau, on prendra le billet présenté par une main ennemie, et on le mettra dans l'urne. Défiez-vous du piège. N'écoutez point ces hommes qui, dans leur langage, seront plus royalistes que vous. Sauvez le roi, quand même. Voilà les conseils que j'ose donner à ceux de mes concitoyens qui pourraient ignorer ce qui se passe et laisser surprendre leur foi. Je ne fais point porter cet écrit par des messagers secrets. Je le publie à la face du soleil. Je n'ai aucune puissance pour favoriser mes intrigues, hors celles que je tire de ma conscience et de mon amour pour mon roi. Grâce à Dieu, je n'ai encore manqué aucune occasion périlleuse quand il s'est agi du sang ou des intérêts de mes maîtres. Français, si ma voix ne vous est point étrangère, si je vous fis quelquefois entendre les accents de la religion et de l'honneur, écoutez-moi, présentez-vous aux élections. Le salut ou la perte de votre pays sont peut-être attachés au choix que vous allez faire. Ne nommez que des hommes dont la vertu, la fidélité et les sentiments français vous soient connus. Qu'ils viennent alors, ces députés chers à la patrie, qu'ils viennent mettre aux pieds du roi leur respect, leur dévouement et leur amour, et que, dignes de leur victoire par leur modération, ils disent aux ministres « Nous ne sommes point vos ennemis, mais renoncez à des systèmes qui perdront le roi et la France. » Fin.